mort sur combat. Concocte un nouveau lexique toxique. Les deuils succombent, absorbent mes substances. Les sublants, une attaque contre la somme. Mes sublants, science, conscience, sans condescendance. J'dis style toxique, acide du fondé. Au fondé, stabilise le compte effronté. Secondez pas ma sexe, sélecte mes proies. Parmi les généraux, dégénère offense. Prémédité, dit téméraire, j'blasphème. Mon blasphème, romaine tortionnaire, fait de mes scènes des tombeaux. J'banille mes scènes qui tombeaux. Main du malin, torse et gosse, placé hors fosse. Le torse, t'es prêt pour foutre la panique, causer du trouble, semer la zizanie. Partir en études extrêmement poussées jusqu'en Tanzanie. Y'a rien qui nous désunisse, non. À part ton remix du maniement de la machette. Quand y'a la guerre, t'es prêt à prendre ta saga. Laisse-moi faire ma saga, j'suis armé en faction. Le mic, mon chiffre pour l'expansion. J'suis prêt à surprendre. Alors donnez-moi le rôle d'un porte-drapeau. Et comme mes frères, j'irai le défendre. Certains disent que John agresse. C'est vrai qu'il est en grâce, un black or stress. Spécialiste de la guerre sainte. Une à une par attaque succincte. Noir est la couleur de mon crâne. Quand noir est la couleur de ma teinte. La garde nouvelle tendance entraîne tous les jeunes et leurs descendants. La garde nouvelle tendance entraîne tous les jeunes et leurs descendants. La garde nouvelle tendance entraîne tous les jeunes et leurs descendants. La garde nouvelle tendance entraîne tous les jeunes et leurs descendants. Hey, j'ai combien de fautes larmes à éponger, réponger. Combien de nuits blanches, non, je sais pas mais je penche. La sueur de mes rangs pas amortir. Oh merde, c'est la merde, je dois m'en sortir. La gagne, un challenge, hey. Renoir, courage, m'arrache. Un entraînage pour les frères. Non, une galère, tu peux me toiser. La gagne, un bataillon croisé. Mon rap, une guerre sainte, non. J'ai le mérite, c'est confiance, un quoi. L'esprit des vierges, égale, prends un cierge. C'est la guerre, puis les frères crient. Ah, non, esquiver. Comme Zao, je vois que des cadavérés. Une marée haute, ça fait marrer les effaceurs. Ils veulent encore en barre et bon. Et dans leur palmarès, ils manquent la gagne, qu'ils ont du mal. Trop de maladresse. Même si on me torture, je n'ai pas l'adresse du QG. J'ai de quoi bouger. Je suis l'agent double, un vendu du clan du BFA. Mon coup, ma plaque suspendue. C'est une histoire de famille, une histoire de parrainage. Une guerre contre les Wawa de Brooklyn, un carénage. La garde nouvelle tendance entraîne tous les jeunes et leurs descendants. La garde nouvelle tendance entraîne tous les jeunes et leurs descendants. La garde nouvelle tendance entraîne tous les jeunes et leurs descendants. La garde nouvelle tendance entraîne tous les jeunes et leurs descendants. Y'a 36 000 façons de mourir, pas 36 000 issues. Ouais. L'ennemi n'est pas un dieu braqueux, tu vois comme toi il sue. Y'a pas de solution miracle, j't'encourage pas au crime. Mais la révolution doit se propager de Sergi jusqu'à Crimée. Ouais. J'dis aux autres, j'dis ce que tu sais, plus mes rimes. Si la guerre ça mort, j'espère que ton cœur est bien arrimé. Comme acide, juste du mort, frappe l'ennemi comme une morsure de cobra. Mon aura rôde comme la mort sur le camp adverse. Mes rimes de feu pleuvent en averse. Déverse la sentence pour que le processus s'inverse. Dans la couleur du pétrole raillé, la garde des terres délaillées. Et puis ça daille dans tous les coins, je finirai par trouver la faille. Les heures de maquis, immaculé. Mon matricule dissimulé sous mes capes. L'argent X relax, c'est calculé. Position, ma bonne position, prêt pour ma mission. À la do or die, je projette dans la cinquième dimension. Tapis au fond de ma faute, j'appelle la force. Bombe le temps, les charges en nourrice. Décroche la fin d'une décennie, ça morce. Morce, corse, la bombe en code morse. L'agent X en extra force. La garde nouvelle tendance engraine tous les jeunes et leurs descendants. La garde nouvelle tendance.